Part du 1er novembre au 11 décembre 2016. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les dernières infos, Dominique Delaroy, bonjour. Bonjour. Addition réduite pour Jérôme Kerviel. La note passe de 4,9 milliards d'euros à 1 million de dommages et intérêts en faveur de la Société Générale, son ancien employeur. Décision de la Cour d'appel de Versailles qui a déclaré l'ancien trader partiellement responsable du préjudice causé à la banque et qui a souligné également les manquements de cette dernière. Pour le moment, Sarah Guibaudot, cette décision semble satisfaire les deux parties. Oui, devant les caméras, chacun revendique une victoire. Jérôme Kerviel parce que les dommages et intérêts ont fondu, mais le combat continue, dit-il, j'estime ne rien devoir à la Société Générale. Pour la banque, Maître Jean Veil salue une décision intelligente, compréhensible et exécutable. La Société Générale ne pouvait pas réclamer 4,9 milliards d'euros, elle pourrait exiger 1 million. La Cour d'appel de Versailles souligne qu'il ne s'agissait pas de remettre en question la faute pénale de Jérôme Kerviel, uniquement d'estimer sa responsabilité dans le préjudice. Pour la Cour, des signes aurait dû alerter la banque, même si le trader avait la confiance de sa hiérarchie. Le fonctionnement privilégiait la prise de risque et la rentabilité. Quelle que soit la ruse et la détermination, je cite, de Jérôme Kerviel, un tel préjudice n'aurait pas pu être atteint sans le caractère éminemment lacunaire des systèmes de contrôle. Alors, si la banque ne peut plus réclamer le montant de son préjudice à son ancien trader, pouvait-elle demander à l'État une déduction fiscale de 2,2 milliards d'euros ? La question, quoi qu'en dise la Société Générale, est relancée. Sarah Guibaudot, merci. Bercy annonce que la situation fiscale de la Société Générale va être réexaminée, ce que conteste la banque. L'achat de 36 avions Rafale par l'Inde. François Hollande se félicite de l'aboutissement des négociations. Cela traduit la reconnaissance de la qualité de l'industrie aéronautique française par une grande puissance militaire et stratégique. Le contrat a été signé ce matin à New Delhi par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. 36 avions de chasse d'assaut pour près de 8 milliards d'euros, un contrat qui marque la fin d'un feuilleton commercial de 9 années. Ce sont 133 corps qui ont été retrouvés au large de l'Égypte. Une embarcation qui transportait plusieurs centaines de migrants et réfugiés a coulé mercredi. 170 personnes auraient été secourues, mais la confusion règne toujours sur le nombre exact de disparus. Et c'est un véritable déluge de feu qui s'est abattu sur les quartiers rebelles d'Alep, des raids d'une violence inouïe dirigée par le régime syrien et son allié russe. Cette intensification des bombardements survient alors qu'une nouvelle rencontre à New York entre les chefs de la diplomatie russe et américaine pour le cessez-le-feu reste incertaine. L'armée du régime de Bachar al-Assad veut reconquérir la totalité de l'ancienne capitale économique de Syrie. En France, la maire républicaine de Calais, hostile désormais à la construction d'un mur anti-intrusion de migrants près du port, Natacha Bouchard, menace de prendre un arrêté contre la construction de ce mur financé par la Grande-Bretagne. Elle a fait établir un constat d'infraction au code de l'environnement. Natacha Bouchard estime que ce mur n'a plus d'utilité depuis le démantèlement annoncé de la jungle. François Hollande sera sur place lundi. Jean-Marc Morandini mis en examen pour corruption de mineurs. L'animateur était placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé d'avoir fait des propositions sexuelles à un jeune homme alors mineur. Un autre dit avoir été invité chez lui à poser nu pour une séance de photos. Jean-Marc Morandini qui conteste les faits est par ailleurs au centre d'une autre affaire accusé de harcèlement sexuel dans le cadre de l'enquête sur des castings controversés de la web-série Les Faucons, une affaire révélée par le magazine Les Inrecuptibles cet été. Falsification d'ordonnances et fausse facturation. Une pharmacienne lyonnaise est soupçonnée d'avoir escroqué l'assurance maladie pour plus de 2 millions d'euros. Maurice Fusier. Jusqu'à ce jour, jamais une telle escroquerie à l'assurance maladie n'avait été réalisée en région lyonnaise et qui plus est par une pharmacienne. C'est la police qui vient de révéler cette affaire peu ordinaire, cette pharmacienne de 46 ans étant suspectée d'avoir escroqué l'assurance maladie pour plus de 2,2 millions d'euros. Et d'ailleurs, les policiers ont pu saisir 1,3 million sur les comptes de la pharmacienne qui a été interpellée mercredi, puis présentée au parquet de Lyon. Dans la foulée, son ex-mari a été interpellé jeudi, les enquêteurs le soupçonnant d'avoir bénéficié de fausses facturations pour des médicaments qui ne lui étaient pas destinés. Cette affaire en rappelle d'autres, et notamment une vaste escroquerie à la Sécurité sociale dans les Alpes-Maritimes entre 2009 et 2012, qui impliquait des médecins complaisants, de faux patients qui utilisaient des cartes vitales usurpées, et tout cela au détriment, bien sûr, de l'assurance maladie. Lyon, Maurice Fusier, France Inter. Et des juges d'instruction vont enquêter sur le scandale de la dépakine, un antiépileptique prescrit à des femmes enceintes, malgré les risques connus pour la santé du fœtus. Nous allons à la Bourse de Paris. Jean-Yves Courcial, la Bourse est en petite baisse. Et oui Dominique, en territoire négatif depuis l'ouverture, le CAC 40 cède actuellement 0,47% à 4488 points. Les places américaines sont également en léger repli. Le Dow Jones cède 0,29% et le Nasdaq moins 0,34%. Les grands indices boursiers internationaux subissent de logiques prises de bénéfices après leur récent rebond consécutif aux décisions des banques centrales japonaises et américaines. Du côté des devises, l'euro s'échange contre un dollar 12,19. Et en ce qui concerne les valeurs, les bancaires et les cycliques subissent des prises de profit, à l'image de Société Générale qui recule d'1,85% ou encore Peugeot qui cède 1,68%. Et de son côté, Veolia Environnement perd 1,55% après la cession de 4% du capital par la Caisse des dépôts. En revanche, parmi les rares titres qui résistent, Unibail-Rodamco se distingue et avance de 0,74%. Le titre de la foncière profite de la recommandation positive d'un analyste qui est passé à l'achat avec un objectif de cours de 290 euros. Je vous rappelle le CAC 40, il est en léger repli de 0,47%. Il redescend à 4488 points. La Bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Le samedi sur France Inter, à 19h20. L'Amuse-Bouche, l'émission littéraire à l'heure de l'apéro. Clara Dupont-Mono. Notre époque veut des héros. En politique, un homme providentiel. En religion, un sauveur. En économie, des patrons Terminator. Et voilà que la romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre nous dit... Pas du tout. Un héros, ce n'est pas un surhomme, c'est même quelqu'un qui est sûr de ne pas en être un. L'Amuse-Bouche, tous les samedis sur France Inter, à 19h20. À demain. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais bronzées, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Fort de France au départ de Paris à partir de 398 euros aller-retour, tout compris jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. 12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Juste la fin du monde. Le nouveau film de Xavier Dolan, Grand Prix à Cannes. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise, et ils fermeraient les yeux sur les erreurs. Après 12 ans d'absence, un écrivain retrouve sa famille. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Avec Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel, actuellement au cinéma, un film France Inter. France Inter, il est 17h08 à 18h, le journal avec Florence Paracuelos. Maintenant, si tu écoutes, j'annule tout. Alex Vizorek, bonsoir. Oui, bonsoir Dominique Delaroy. Ça va bien? Bah écoutez, c'est pas évident. Hein. Là, Charline, elle m'a dit que je dois vous demander ce que vous avez annulé pour nous écouter. Bon, non, elle est pas là, on s'en fiche. Surtout que moi, je le sais, je préfère ne pas en parler à l'antenne. Oui, merci à raison. Vous, passez un excellent week-end. Et bah, on a préparé malgré merci, tout, c'est pas parce qu'on n'a pas bientôt. De chef qu'on prépare pas. Ce matin, vers 9h, dans le bureau d'Annule Tout. Salut les amis ! Salut Alex ! Elle est pas là, c'est moi le chef ! Elle est pas là, c'est toi le chef ! Oh voilà, tout de suite, il y a une ambiance, les équipes sont soudées ! Ouais ! Ça change de la dictature ! Ouais, ouais ! Allez, on fait ce qu'on veut, elle est pas là ! Ouais, mais attention, elle va écouter ! Ah ouais. Ah oui, zut ! Mais il y avait un super sujet sur Didier Barbolivien ! Non, non, non, non, non, non, elle va nous tuer si on fait ça, non, non, non ! Pas sûr, elle veut bien parler des chanteurs de droite ou même des chanteurs ringards ! Bah oui, mais du coup, pas les deux en même temps, ça fait beaucoup. C'est vrai, non, ça on peut pas faire. Non, on fait pas, on fait pas. Ce midi, vers 13h, dans le bureau d'Annule Tout. Oh, c'est Charline. Bah oui, les amis, je suis tellement malheureuse. Mon avion décolle à 16h50, je ne pourrai pas vous écouter. Mais soyez brillants, cool. Comme j'aurais aimé que vous soyez. Génial, cool. On fait Didier Barbolivien, un sujet chanteur de droite. T'es sûr que c'est comme elle aurait aimé qu'on soit? Non, mais on s'en fout de mais ça, oui, du coup. Bah oui, et en son d'ouverture, on passe une chanson. Ouais, si elle l'apprend. Mais on s'en fout, il a écrit une super chanson sur Jean Ferrat. Ah bon, il le sait, ça, Jean Ferrat? Non, non, il est mort avant. Ouf. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jean de France. Oh, le jeu de mots. Il est fort, Didier. Oh, il est fort. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on la passe, elle sera dans l'avion, elle le saura jamais. Okay. 16h59, dans le bureau d'Annule Tout. Bon, Alex, t'es prêt? Je suis au taquet, ça va être une super émission, tout est dans la boîte. Même le Barbolivien. Cool. Génial, on peut plus rien changer. Allez, j'y vais sans pression. Oh, c'est Charline. Bah oui. Les amis, trop contente, mon avion est retardé, je vous écoute. Oh, soyez exigeants avec vous-même, ce sera super. On est foutus. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et bonjour Charline Vanhoenacker qui nous écoute. Vous écoutez tous l'émission qui prépare l'actualité au combat sans avoir vraiment de chef, un petit peu comme le gouvernement. Et voici les trois informations sur lesquelles les auditeurs nous jugeront jusque 18h. Le courrier international titre « Pourquoi les Français sont incompris ? Pourquoi la presse étrangère s'acharne sur nous ?» Oui mais les gars, vous n'êtes pas toujours très clair. C'est un signe par rosette. Si ce ruban s'indigne, moi, de conserver PC... Votre explication ne me suffit pas. On aurait dit Chantal là-dessous. Pas facile d'être un chanteur de droite, titre Le Figaro. Non, je recommence. Pas facile d'être un chanteur de droite, regrette Le Figaro. On parlera d'Enrico Macias, de Didier Barbolivien et de Michel Sardou. Mais je suis pas à droite, moi, j'ai pas ma carte. Non. Tais-toi. Pardon, Michel. Depuis les Frères Lumière, de nombreuses pièces de théâtre deviennent des films, mais depuis peu, des films deviennent des pièces de théâtre. Qu'est-ce qu'il en pense, Gérard Lanvin ? Je te dis que le cinéma, c'est un métier de pute. Eh ben voilà, c'est clair. Et pour me compléter, car oui, on doit bien deux pour compenser le cerveau de Charline Vanhoenacker, voici l'hémisphère gauche, du coup, Guillaume Meurice. Bonjour à tous, bonjour Alex. Alors, bonjour. Je vais faire votre rôle, hein. Vous dites toujours une bien belle équipe aujourd'hui autour de cette table. C'est vrai. Alors, déjà, il n'a pas dit une bien belle équipe. À 17h20, vous avez bien fait de parler. Il a été recalé au casting de Morandini pour cause de trop âgé et trop de poils. C'est Thomas VDB. Ah, je voulais pas que l'info passe, mais effectivement, je serai là aujourd'hui. De quoi allez-vous nous parler ? Alors, si vous avez raté ce qui s'est passé récemment sur les élections américaines, Je ferai un petit résumé des derniers épisodes. Ça, c'est bien, de l'actu. À 17h40, elle a été recalée au casting de Morandini aussi, pour cause de trop d'oestrogènes et trop d'intelligence. C'est Isabelle Sorrente. De quoi allez-vous nous parler ? Bonjour les amis, alors moi je vais vous parler de voyage et de dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone. J'ai bien fait dire intelligence dans le lancement. C'est pas de moi, c'est de Mathias. Vache. Et à 17h50, alors il n'a pas été recalé au casting de Morandini, mais il a un point commun avec lui, hein, la police. Sauf que lui, c'est la police du jeu de mots, ce sera Frédéric Fromet. Et oui. Bien évidemment, et à 17h30, hein, moi-même. Moi, j'ai réussi le casting de Morandini, figurez-vous, je devais bosser avec lui, mais il s'est fait virer, hein, croyez-moi, ça fait bien mal au cul. Enfin, c'est une expression, hein, je ne parle pas du casting, bien évidemment. Moi, je vais vous parler d'un concours de traders, figurez-vous. Ah, oui. Et oui, eux, ils se sont fait plein de pognon, et moi, j'ai fait une chronique. C'est du win-win, quoi. Voilà, du gagnant-gagnant. Comme dirait Ségolène Royal. Vous êtes avec nous sur Facebook ou Twitter, hashtag annule tout. Et maintenant, on va vous présenter celle qui préside le meilleur pour la fin ou la meilleure aujourd'hui. Elle vient du Nord, née à Roubaix, mais elle a aussi des qualités. Formée au Conservatoire de Lille et au cours Simon, elle débute dans le petit théâtre de Bouvard. Elle devient populaire grâce à la classe. Et aujourd'hui, elle est hype grâce à Michel Faux. Vous êtes... Chantal là-dessus. Mais première bonne réponse. Mais voilà. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. On avait perdu une Belge qui avait du bagou, on récupère. Mais alors elle est où celle-là ? Elle est où ? Elle se repose. Elle a passé la nuit avec Arnaud Montebourg. Ah oui, ouais, elle n'est pas venue parce que j'étais là. Non, c'est pas contre vous, elle vous embrasse d'ailleurs. Ouais, allez, non, elle est ravie. Bien. Elle est ravie. J'aime bien les Belges parce que ma grand-mère était belge, de Bellebrook, mon Amérique. Bien sûr. Il n'y a que du Belge. Chantal là-dessous, vous êtes sur scène au théâtre. Oui, mon chéri. Ouais, en ce moment, oui. On se connaît bien tous les deux. Je l'ai connu tout petit. C'est pas vrai. Il était petit ? Ah oui. À l'époque, elle m'appelait Vitopec. Ça va mieux, elle a remis les syllabes dans le bon sens. Vous jouez peau de vache et dans ce qu'on dit de la pièce, moi je suis venu vous voir la semaine dernière, je ne me serais pas permis de dire ça, mais on dit ce rôle est écrit pour vous. C'est incroyable. Mais oui. J'ai l'impression que ce rôle est vraiment sur mesure, quoi. Il est allé voir dans ma vie. Moi, quand je vais au Moulin, par exemple, c'est ma maison de campagne, je vais au Moulin. Oui, c'est pareil, parce que c'est le lieu où ça se passe. Oui, c'est le lieu où ça se passe. Et mon mari n'est pas violoncelliste. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mon mari n'est pas violoncelliste. Mais oui, c'est un peu ma vie. Je suis mariée depuis 40 ans. Je protège mon mari me protège. Donc ça me ressemble. C'est ça, c'est parce que c'est l'inverse chez vous. C'est votre mari qui vous surveille. Et ici, vous êtes l'épouse de l'artiste, le violoncelliste. Je m'en occupe. Vous occupez de tout. Je protège. Y compris de ses maîtresses. Y compris de ses maîtresses. Voilà. Maîtresse qui journaliste genre France Inter ou Télérama, Oh, la sale race. Oh là là, ouais. Et donc, c'est Michel Faux qui a dépoussiéré le boulevard. Il l'avait déjà fait. Mais il n'a pas vraiment dépoussiéré le boulevard. Ah. Et il a laissé de la poussière. Oui, ah. Oui, oui, c'est, oui. Oui non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et c'est ça qui marche. C'est ça qui marche, c'est-à-dire qu'il les laisse dans le jus. Hein, et on est tous habillés en 70. Oui, vous avez costumé. Les musiques sont de 70, avec Dalida, Sheila, etc. Et moi j'ai aimé, hein, je cache pas, musicalement. Et on est resté, il a très peu coupé les choses, quoi. Les phrases sont les mêmes, les gags sont les mêmes, il n'y a pas du tout de dépoussiérage ni de renouvellement. Mais vous aviez vu Fleur de Cactus, qu'il avait monté avec Catherine Faux, qui avait été un gros succès, et qui était des mêmes auteurs, Barillet et Grédy, qu'on ne connaît pas comme ça instinctivement dans le vaudeville, on est resté. Enfin, vaudeville, on ne sait pas si c'est un art en soi, mais Fédot, La Biche, et après, il y a une espèce de vide, et ces gens-là l'ont complété, et c'est les pièces qui fonctionnent encore aujourd'hui. Bien sûr, qui sont reprises par des comédiennes. Il n'y a pas beaucoup de jolis rôles de femmes comiques comme ça. Et Barillet et Grédy ont vraiment écrit des jolis rôles de femmes comiques. Oui. Donc c'est top. Et d'ailleurs, Barillet est et vit toujours. Grédy aussi. Ah. Bon, il y a énormément de gens qui vivent. On salue Barillet, du coup. Non, Barillet et Grédy aussi. Grédy, du coup. Il y en a toujours. Qui nous écoutent, d'ailleurs, des gens toujours, qui je vivent. Je fais l'amalgame en un seul mot. Barillet et Grédy sont toujours présents. Et ils sont venus vous voir. Barillet est très là, et là souvent, très souvent. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mais lui, vous êtes épatante. Vous êtes elle parle comme ça, Marie. Les épatantes, mes pièces sont écrites pour les personnages et vous êtes un personnage charismatique. Elle parle comme ça. Et parce que le rôle, il avait été marqué par la comédienne précédente. Formidable. Oui. Sophie Desmarais. Sophie Desmarais, qui l'avait joué. Tu ne le savais pas, je suis sûr. Mais bien sûr, je t'as préparé savais. Tes fiches. Mais tu rigoles, quoi. C'est vraiment un on va peut-être arrêter de se tutoyer. On n'est pas sur RTL ici. Ah oui, pourtant c'est rouge. Je croyais que j'étais à RTL. C'est moi qui ai de la promo que je fais en ce moment. Vous parler des philosophes à Barcelone, ça va mettre un petit coup là. Ah oui, d'accord. Tu vas pas nous faire chier non plus quand même. Vous êtes déçus. Tu pourrais très bien jouer la journaliste qui vient foutre le oui, boxon. Oui, j'ai senti un regard tout à l'heure. Attention parce qu'elle séduit du violoncelliste. Donc qu'est-ce que nous racontons? Oui, ça a été joué hyper longtemps. C'est l'époque. Marrant parce que je me suis acheté un ensemble gris et bleu. Un peu comme ce que tu as. Si vous voulez pas faire la promo de la pièce, moi je l'ai vue, elle est formidable. Donc elle est on peut très dire jolie. Ça. Vas-y, vas-y, continue. Mais il est toujours très chic, Alex. Très drôle. Les gens ne comprennent pas tout. Les gens ne comprennent pas tout. Mais ils sentent que vous êtes comprendre. Un personnage. En fait, est-ce qu'on va pas voir un peu Chantal là-dessous quand on va voir cette pièce? Je crois, mais aussi je veux servir la pièce et servir mes amis comédiens qui sont formidables, que je vais citer d'ailleurs. Ah, allez-y. Alors, Anne Bouvier. Ah, la fameuse. Allez-y vite parce qu'ils sont bons. Alors, Anne Bouvier, Grégoire Bonnet, Urbain Cancellier, Maxime Lombard. Gérald Cesbron. Ils sont toujours vivants, eux. Hein, tais-toi quand je parle, parce que c'est pas de... voilà. Et Stéphanie Bataille. Et qui sont formidables parce qu'il y a d'excellents second rôles, et c'est ça la force d'une bonne pièce, c'est que tous voilà. Les second rôles. Moi, je veux pas faire un one-man show. Si je fais un one-man show, j'y vais toute seule. Fait. Mais c'est très important que tous les second rôles soient voilà. Très bons. Et on retiendra cette phrase, si je fais un one-man show, j'y vais toute seule. Chantal là-dessous, peau de vache, c'est au Théâtre Antoine. Thank you. Vous entendiez Dany, Étoile et Revers. Oui. Et oui, ça vous a plu ? Oui, beaucoup. C'est un personnage des années 80, 75, 80. Donc on est juste après la période que vous interprétez. Comme ça, avec de la fumée partout. Chantal Latsou est avec nous, peau de vache au Théâtre Antoine. Et vous allez camper sur France Inter parce que demain soir, vous revenez dans l'émission de Laurence Garcia dans tes rêves à 23h15 et vous faites une petite idylle avec Yann Kefelec. Que j'aime beaucoup. Eh bien, très bien. Voilà. Un petit breton. Et un petit breton, oui, oui. Autour de la table, Guillaume. Bien évidemment, l'incroyable Thomas VDB et la sémillante Isabelle Sorrente. Mais je ne suis pas très bien ce que ça veut dire, sémillante, mais je voulais dire c'est quoi. Ça lui va et vous êtes là, Guillaume Meurice, et je vais vous réquisitionner, parce que Charline nous quitte mais nous écoute, le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, le fils de Valérie Pécresse, pardon, oui, j'ai du mal à le dire. C'est pas évident, c'est un métier. Ça accroche. A été arrêtée en possession de cannabis, alors qu'elle s'est beaucoup engagée elle-même contre sa consommation. Oui, elle en aurait parlé avec Denis Baupin, dont le fils aurait un jour demandé la permission à une femme avant de l'embrasser. Bien sûr, on parlera également de Cyril Hanouna et de prix Nobel. Oui, mais ce sera pas la même info. Non, évidemment. Et dites-moi, il y aura des brèves. Bien sûr, Charline n'est pas là, il y aura des brèves. Ouais, génial. Et avant toute chose, évidemment, on voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qu'on aime bien dans cette émission. Cyril Hanouna, alors oui. Il vieillit et son public rajeunit. Mais on n'est pas les seuls à lui avoir souhaité bon anniversaire. Hier, une petite vidéo dans Touche pas à mon poste. Écoutez qui lui a souhaité. Salut Cyril, c'est Nicolas Sarkozy. Des informations très précises m'ont indiqué que c'était votre anniversaire. Ces informations ne m'ont pas dit quel âge. Je voulais vous dire que j'aime votre énergie, que j'aime votre enthousiasme, que parfois même je peux m'y reconnaître. Bon anniversaire, Cyril. Il aime son enthousiaste. Bon, ils s'entendent bien. Hein, et je pense qu'on tient potentiellement le prochain ministre de la Culture, si Sarkozy est élu. Passons à François Hollande. Oui, qui est courtisé par Rihanna. Pardon ? Oui, ah oui, lui a envoyé un tweet. Mais non. Ah si, si, elle l'interpellait sur un fonds pour l'éducation des enfants dans les pays en développement. Et il a répondu ? Alors non, c'est André Valigny, secrétaire d'État chargé au développement de la francophonie, qui lui a répondu. Oui, ça c'est pas cool. Hein. Et il devrait se mettre à sa place. Ouais. Imaginez s'il avait écrit à Rihanna et bim, c'est Whoopi Goldberg qui répond. C'est un peu ça. Passons à Valérie Pécresse, dont le fils a été arrêté pour détention de cannabis. Je veux proposer au conseil d'administration des lycées un programme lycée sans drogue. Oui, pas de chance. Ouais. C'était le programme qui lui avait permis d'être élu à la tête de la région Île-de-France. Oui, elle voulait instaurer un test aussi. Hein. Ce seront des tests qui seront faits selon le cadre du secret médical et dont les résultats ne seront donnés aux lycéens et à leurs parents. Eh bien, on attend avec impatience qu'elle reçoive le test de son fils à la maison. Politique toujours. Un ancien ministre de Chirac, Renaud Dutreil, lance un mouvement La Droite avec Macron. Oui, on attend qu'Aurélie Filippetti lance un mouvement La Gauche avec Guénot. Économie, Jérôme Kerviel ne devra pas verser la somme de 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale. Et non, la Cour d'appel de Versailles a condamné l'ex-trader à verser seulement 1 million à la banque. Il est plus au top, hein. Quoi ? Ah bah un truc qui valait 4 milliards 9, le faire passer à 1 million, c'est pas dans la moyenne des trading. Là, c'est pas faux. Bourgogne-Franche-Comté, un religieux de 55 ans mis en examen pour viol sur mineur. Ah, un religieux, quelle religion ? Écoutez, il y a des logiques quand même. Quand c'est un attentat, c'est l'islam. Quand c'est sur les enfants, c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Et les juifs ? Ah, pardon. Reprenez. Non, non, non, pardon, pardon. Sans transition, Jean-Marc Morandini est mis en examen. Oui, alors qu'on vient de plus me dire que c'est pas un vrai journaliste. Pardon ? Écoutez, sur Énergie, il présente crime. Il fait de l'investigation, du coup. Oui, oui, bien sûr. Et passons au bref. Oui, Charente-Maritime, un policier surveille la cantine d'une école jugée trop bruyante. Alors, je peux dire, le premier mioche qui n'aime pas les salsifis, verbalise-y. Oui, on termine par vos idoles. Oui, Alex. Les Ig Nobel, c'est une cérémonie qui récompense des découvertes insolites que les Nobel oublient. D'accord, et parmi les gagnants, on retrouve. Alors, on retrouve Thomas Twaits qui a passé 3 jours dans la peau d'une chèvre, vainqueur du prix Ig Nobel de biologie, dans la catégorie Ig Nobel de reproduction. Ah, merci Alex. Non, c'est pas vous, c'est un Égyptien pour une recherche qui prouve qu'un rat portant un pantalon en polyester a une activité sexuelle moins intense que les autres rats habillés en pantalon de laine ou de coton. C'est important de le savoir. Un petit dernier qui est hors catégorie, un Néo-Zélandais qui a reçu le prix justement pour un travail sur la psychologie des pierres et des cailloux. Je vous laisse méditer là-dessus, moi je vais en parler à mes graviers. Voilà, parfois l'information est plus intéressante et plus cocasse que nous. Chantal Latsou, oui. Vous a emmené ici, pas que pour faire le clown, parce qu'on est là changer le monde. Je ne sais pas si vous avez été prévenu. Bien sûr, j'en suis prête. Et on y va. Premier sujet. La dernière fois que le monde n'avait pas bien compris la France, c'était à l'époque du mariage pour tous. Là, c'est le burkini. Alors pourquoi personne ne comprend l'envie de débat du peuple français ? Peut-être parce que les autres n'ont pas la chance d'avoir une forme de virtuosité du langage. Je suis français ! Sinon, pourquoi croyez-vous que j'aurais cet accent à la con ? Et que faites-vous en Angleterre ? C'est pas tes années, petit con ! Vous ne nous faites pas peur, chien de porc d'anglais. Espèce de torchon pour vomi de tripes d'animal à tête vide. Je pète dans votre direction. Ta mère était un hamster et ton père sentait les bêtes chaudes. Y aurait-il quelqu'un d'autre là-haut à qui on pourrait parler? Est-ce que vous avez reconnu le film? Non, c'est... Ça me dit quelque chose. Sacré Graal des Monty Python. Ah oui, bien sûr. C'est évidemment, bien sûr. Alors, en anglais, hein, bien ça sûr, fonctionne bien mieux. Bien sûr. Mais donc voilà, le Courrier International fait ce constat. Les Français, vous aviez tellement envie de débattre du burkini, de tout ça, et en fait, personne ne comprend à ce point-là votre implication. Est-ce que vous, Chantal Latsou, vous vous sentez profondément française? Moi, oui, oui, oui. Donc, vous, dès qu'il y a un débat, vous plongez dedans, quoi. Bah, vraiment, non, je n'ai pas d'attrait débat, mais le bien que vous voulez que je parle du burkini. Non, pas tant. Je préfère que vous parliez de pourquoi un Français a envie de débattre. Vous avez des questions qui vont prendre la tête. Non, non, mais justement, le burkini, c'est pas que je m'en fiche de votre avis, hein, mais. Non, je voudrais savoir pourquoi les Français ont non, toujours. Je vais être très simple avec moi. Oui, bah, ben, voyez. Parce que j'ai. Voilà, très simple. Vas-y. Un mot, un verbe. Donc, un non. Complément de quand vous dites je me sens tout à fait française, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez française? C'est quoi la partie française de Chantal? Parce que j'aime la France. Non, mais la France. Non, mais c'est la beau, la France. Non, mais dans le caractère, dans le... Le français est râleur, le français... Qu'est-ce que... Non, non mais est-ce que vous êtes ça? Je parle pas anglais, déjà, très peu. Ah oui. Binalein und Zagvarum, bon. Mais je... Parler allemand, ça a été français un temps aussi. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Je me sens... oui, j'aime bien, puis je suis fière d'être française quand je vais à l'étranger. Et est-ce que vous Parce trouvez... Parce que les Français étrangers, souvent, ils sont très mal vus. Mais moi, j'aime bien... Pourquoi bien vu à l'étranger, et je me sens bien, j'adore qu'on me reconnaisse en tant que Française à l'étranger. Et ça vous amuse ou ça vous ennuie pas que tout le monde dise « Oh, les Français, ils sont quand même spéciaux, ils sont fous, c'est Gaulois », pour prendre un non, thème Non, parce que c'est vrai qu'ils sont fous, c'est Gaulois. Ouais, ça veut dire que vous cultivez ce... Oui, je trouve ça marrant. Vous cultivez le côté désagréable des Français quand vous pas, allez à l'étranger? Non, ça, j'aime pas le côté désagréable. Ah. Non, le côté, c'est pour ça, je trouve ça très plouc. Le mec qui râle tout le temps et tout ça, non. Je m'adapte quand je suis à l'étranger. Mais ça, j'aime pas ce côté-là du français. Ah. Mais je me sens, oui, je me sens française. Donc le français assume d'être parfois un peu vu comme un râleur. Cette pièce avait été lue par une grande actrice américaine dont le nom m'échappe, Lorraine Bacall. Lorraine Bacall. Et elle n'a pas voulu jouer peau de vache. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, tu ne devrais pas faire ça. Elle n'a pas voulu jouer peau de vache parce que l'image que ça rendait d'elle lui posait un problème. C'est fou quand même. Mais Sophie Desmarais avait aussi hésité. Oui, pourtant elle est française. Elle a demandé à réfléchir une nuit parce qu'elle avait peur de passer pour une garce. Et ça, vous en avez rien à péter. Non, rien elle n'a pas compris le principe de comédienne, en fait. Exactement. Quand on oui, joue Richard III, on n'est pas obligé de buter non, des c'est gens. C'est vrai que quelquefois, en fait. Les gens font l'amalgame. Ah oui. Mais moi, je m'en fous, parce qu'en fait, la garce n'est pas celle qu'on croit. Eh ben, évidemment. Ah, la réponse est bonne, non? Ouais, c'est parfait. France Inter. Isabelle Sorrente, est-ce que ça vous a surpris, comme ça, que les Français soient un petit peu stigmatisés par la presse étrangère? Ben, pas vraiment, non, pas vraiment. En fait, c'est vrai qu'on se demande si effectivement quelqu'un était en combinaison de plongée ou bon, est-ce qu'on lui dirait enlève ça. Oui. Non, voilà. Mais, vous revenez sur le débat, ça c'est très français. Je reviens sur le débat, pardon, Alex, je suis non, incorrigible. Si, mais on l'a déjà fait. Je suis incorrigible. Non, c'est-à-dire que les étrangers, si je comprends bien, nous trouvent débiles de parler d'autant non, du c'est-à-dire burkini. Que le rapport à la laïcité, tout ça, de vouloir redébattre, de vouloir redéfinir, peut-être qu'avec le burkini, il n'y avait pas de solution et qu'on pouvait dire qu'il n'y a pas de solution. Mais en France, ça vous énerve. Il faut que ce soit blanc ou noir. Oui. Oui, bon, on est d'accord. Oui. On conclut là-dessus, Chantal, là-dessus. Sur ouais. Ce sujet. Je pense ah, c'est que mieux, ça, c'est, mieux, c'est ouais. Réglé. Thomas VDB, lui, il est Thomas pas... VDB, c'est moi. Oui, c'est ah, ça. Ça, oui, c'est ça, ça serait l'heure de l'actualisique. C'est bel et bien l'heure de l'actualisique. Donald Trump, ta politique impitoyable. Hillary Clinton, tu as une pneumonie. Donald Trump, ta coupe de cheveux improbable. Hillary Clinton, on espère vraiment que tu vas gagner. Précédemment, dans les derniers épisodes des Clint Trumps, Hillary, la femme de Bill, et Donald, l'ami personnel de Clint, pas Clinton, mais Eastwood, s'opposent toujours pour le siège de la présidence dans une lutte sans merci. Hillary, laisse-moi ce siège! Non merci, Donald! Mais à quelques jours du premier débat télévisé, la tension monte. Et quand Donald accuse Hillary d'être corrompu, Hillary l'accuse en retour d'être antisémite. « Je ne suis pas antisémite !» lui répond Donald. « Je me suis emmêlé les pinceaux dans mes insultes. Par contre, toi, Hillary, je sais que tu as créé Daesh !» Hillary rit dans sa barbe et répond à Donald après qu'il a insulté les Mexicains, les musulmans, les Noirs et tous les gens qui n'étaient pas exactement de la même couleur que lui, c'est-à-dire tout le monde, que sa réaction est exagérée. De son côté, profitant de cet interminable argumentaire, Bill, le mari d'Hillary, a les yeux rivés sur la nuque de Monica. Mais tout à coup, Hillary s'apprête à accuser Donald d'entretenir des liens avec le Ku Klux Klan. Et tout à coup, elle se met à... Non, c'est rien. Et Hillary fait un malaise. Donald rit à gorge déployée. Tu veux être présidente et tu as la toux. Elle tousse, elle tousse. Hillary lui répond. C'est toi qui me fais tousser, Donald. C'est toi et ta famille qui me donnez des allergies. Car dans l'épisode 18 de la saison 34, Donald Junior, le fils de Donald, faisait une comparaison douteuse entre des immigrés syriens et un bol de Skittles empoisonné. Pour ceux qui ne connaissent pas les Skittles, c'est un peu comme les M&M's aux fruits. Il y en a pour plusieurs goûts. Goût cerise, goût citron et goût réfugié syrien. À bout de force, Hillary est hospitalisée. Pendant ce temps, en France, dans son canapé, Thomas essaye de suivre tout ça sur BFM TV et se demande si après tout, ces élections américaines sont une bonne nouvelle pour l'avenir de l'humanité. Et tandis qu'il parle avec cette voix de bande-annonce, il se demande aussi si c'était une bonne idée de faire entièrement toute la chronique avec cette voix-là. Et il se demande d'ailleurs un peu si la musique de Dallas derrière n'est pas un peu agaçante. Et finalement, il décide que si, et fait signe à l'ingénieur du son de couper la musique. Mais Thomas n'arrive pas à se débarrasser de cette voix. Il est comme bloqué dans une dimension parallèle. Il décide alors de changer de voix. « Bonjour à tous les amis, bonjour !» Mais ce n'est toujours pas la bonne voix. Thomas décide par prendre sa voix normale. Mais surtout, Thomas se dit que si Donald Trump est élu, maintenant, quand il ira aux États-Unis, en fait, il n'ira plus. Hein, tout simplement, parce qu'il aura trop peur de passer beaucoup de temps à la douane. Parce que Donald, on le sait, a décidé de faire la guerre à tous ceux qui n'étaient pas blancs, alors que lui-même est un peu orangé. Et donc, Thomas sait que comme il n'a pas le code couleur de Donald, et de ce fait, à la douane, il risque fortement d'être pris pour un musulman et d'être pris en chasse, peut-être par un policier mauve. Mais retrouvez la suite des Clint Trumps dans le prochain... Un mélange d'actualité de musique. Merci Thomas Bédébé qui nous avait dit je vais prendre un risque. Ah ouais. Et je pense j'avais que... dit je vais prendre un mur. Eh bien, risque réussi. On va s'écouter un peu de musique. Sam and Dave, mais à mon avis, c'est pas le Dave que je connais. On verra bien. Soul Man. Sam. We'll be right back. Ouais, c'était pas le dev. Hein. Heureusement que Thomas VDB était là. Non, c'était pas le dev qu'on connaît. C'est quand même Sam and Dave, Soul Man. Et nous sommes toujours avec la peau de Chantal vache là-dessous. De service. Ah, Chantal, oui. Elle s'est reconnue. Je ne m'appelle pas Chantal d'ailleurs. Comment je m'appelle dans la pièce? Je ne me souviens plus. Tu sais, toi? Votre nom? Marion. Mais évidemment, Marion. Bien sûr, Marion, l'héroïne de peau de vache, Marion, c'est vous. Marion Chastagnol. Mais sinon, le texte, ça va. Le nom du personnage, non, mais le texte, ça va. Oui, les gens peuvent venir au théâtre Antoine. C'était assez facile à apprendre d'ailleurs. Oui, vous m'avez dit. Oui, curieusement, je pensais avoir du mal et pas du tout. J'étais très, très forte. Parce que la musicalité de Barry et Grady, sont vivants tous et les deux. Ce sont quand même des choses, des phrases qui sont très bien écrites. Ils ont une écriture très, très fluently, comme ça. Si on enlève un mot, ça danse moins. Elle dit fluently. Quand je vous dis qu'il est hype. Elle est hype. On n'y croyait pas. Et Guillaume Meurice. Oui, bonjour. C'est votre tour. Oui. C'est notre enquêteur, Chantal. Ah, Guillaume Meurice, bonjour. Ouais, bonjour. C'est mignon le profil. Faut voir de face. Ouais. C'est moins bien de face. C'est mieux à la radio. Écoutez, on le sait, le monde est malade. Hein, et toute maladie possède ses agents infectieux, pathogènes. Eh bien, ce matin avait lieu à l'espace Champéret un grand championnat international d'agents pathogènes, des duels de traders, figurez-vous. C'est génial. Et oui, c'est un peu comme s'il y avait des duels de virus du sida. Alors, la comparaison est violente. Hein, je sais, hein, notamment pour le sida, qui n'a pas choisi de faire virus du sida, alors que le trader, si. Alors, je suis allé à ce concours de traders, hein, venu du monde entier. Voilà un petit aperçu de l'ambiance. 325 euros de la première position. Effectivement, il y a eu une première prise de position qui a dépassé l'effet de levier maximum autorisé. Voilà, très bel effet de levier de Jean-Michel, formidable. Beaucoup de spectacles ce matin, beaucoup d'ambiance. Alors, le son est un petit peu pourri. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai trouvé le moyen de me faire virer de la salle de compétition. Ça, c'est quand même un comble. Ça devait arriver. Non, mais normalement, ce sont nos anticorps hein, qui virent les agents pathogènes. Là, c'est un peu comme si un virus me disait « t'es gentil, mais tu dégages ». Alors, c'est pas grave, hein, je me suis mis à la sortie, parce que moi aussi, je suis tenace, hein, comme une vilaine grippe. Alors, pour interroger, bien sûr, les traders et les futurs traders, parce qu'il y avait un jeune encore à l'école avec qui j'ai parlé éthique. On peut faire de la finance tout en restant loyal, hein, c'est pas quelque chose qui est incompatible. La fidélité, la loyauté sont des caractéristiques que justement ici, enfin à l'ESELSCA, l'école où on fait notre MBA, notre directeur est en charge de nous apprendre ces deux qualités. Vous apprenez la loyauté? Est-ce que vous avez des cours de loyauté? On n'a pas des cours de loyauté, mais c'est des caractéristiques qu'ils comptent nous enseigner durant ce MBA en tout cas. Ah merde, il risque d'être déçu là, notre ami. Il me fait penser à un mec qui a fait BTS charcuterie pour ouvrir un commerce à Kaboul. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné mon garçon. Mais est-ce qu'il connaît les qualités requises pour être un bon trader? De la rationalité, de la patience, faut être très réactif et faut vraiment être très compétitif. Est-ce qu'ils font de la déontologie? De la déontologie. Ouais, c'est une question piège. Ouais, c'est une question piège. Je suis pas certain qu'ils connaissent le mot en fait, déontologie. Alors, on a affaire à un jeune agent pathogène encore un petit peu complexé. Il y en a qui le sont moins, hein, bien évidemment. La déontologie, qu'est-ce qu'on en fait? Faut la mettre de côté parce que, bon, c'est un monde un peu difficile où il faut se battre, il faut essayer de percer. Et naturellement, quand on veut percer, il faut faire des sacrifices et mettre un peu son côté humain de côté, mais bon... Mais ça vous gêne pas quand même? Si, c'est gênant, mais comme plein de choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde. Quoi. Mais ouais, il y a plein de choses gênantes comme ça dans le monde. Par exemple, se faire virer de son boulot parce qu'un trader aura fait une opération financière sur votre entreprise, c'est gênant. Il y a un côté gênant de dormir dans la rue. Le SDF est bougon, on l'a tous remarqué, le gars est gêné. Mais bon, moi, je vais vous dire franchement, si vous êtes contre ce système, le trader, il a un message pour vous. Les gens qui sont contre, s'ils peuvent créer un autre système qui peut être meilleur que celui-là, bah, bon courage. Parce que des fois, on a l'impression qu'en un clic, vous pouvez mettre à la porte des dizaines et centaines de salariés. Mais c'est dans n'importe quel secteur. Moins dans la boulangerie, quand même. Bah, la boulangerie, c'est... Je peux pas vous dire, là. Je peux pas vous dire, ça dépend. Ouais, ça dépend, mais c'est rare, quand même. Hein. Je vois le boulanger boire bas de chez bois. Bon, à la limite, il rajoute deux amandes dans un croissant, ils te le vend à 3 euros de plus. C'est à peu près le seul pouvoir de nuisance du boulanger. Mais les traders, en deux minutes, ils peuvent foutre une famine dans un pays en spéculant uniquement sur des matières premières. Ah, ça, c'est quand même du bel agent pathogène, de la belle saloperie. Qu'est-ce qu'il en pense, d'ailleurs, ce trader? Bah, en fait, j'essaie pas de penser comme ça, sinon je vais pas être un trader. Oui, mais c'est quand même la réalité, non? Ouais, c'est une réalité, mais... Là, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez par exemple Goldman Sachs, les gens pensent pas comme ça. Ouais, je m'en doutais. Ouais. Je m'en doutais un petit peu. C'est marrant, j'avais la même intuition sur Goldman Sachs. Je me doutais qu'ils avaient pas le même objectif que la Fondation Abbé Pierre. Je me doutais qu'ils faisaient évidemment crever le monde entier. Est-ce que ça l'embête pas? Bah si, ça m'embête, mais voilà, je sais pas. Ah. On n'y peut rien. Même Bah si, vous pouvez ne pas le faire. Bah, vous pouvez me trouver un autre métier. Ah bah moi je peux si vous voulez. Bah je voulais que je fasse un journaliste. Pourquoi pas? Ça gagne pas beaucoup d'argent. Eh bien détrompe-toi mon bonhomme. Hein, si tu bosses par exemple dans le journal Les Échos, tu pourras continuer à légitimer le système pourri tout en te faisant un max de blé. Tu pourras même gueuler contre l'assistanat tout en continuant à toucher l'aide à la presse écrite. Hein, si on veut continuer notre parallèle avec le sida, Les Échos c'est un petit peu les faubourgs de Pretoria. Quant à nous, on peut continuer à se faire du mauvais sang. Voilà, on salue Dominique Seux qui sera ravi évidemment d'avoir écouté votre chronique. Chantal là-dessous est avec nous. La finance, c'est loin de vous ou... Ah oui, oui, alors j'y connais rien. Et ça vous fait rire de loin ou ça vous inquiète? Non, ça m'amuse ça. Mais ça me fait rire de loin, oui, ça m'inquiète aussi. Oui, c'est vrai, ça, mais je crois qu'on est tous un petit le peu. Le crash boursier. Oui. Ça, c'est terrible, non? Vous êtes prête ou pas? Ah, bah si oui. Si ça arrivait. Bah écoutez. Vous n'avez pas mis tout en des actions? Non, j'ai pas d'action. Moi. Bon, ça, on est sauvé. Je suis active, mais j'ai pas d'action. Vous êtes en action tout le temps. Je suis hyper active. Et on va passer au sujet 2. Là, c'est les artistes qui s'engagent. Bon, alors, je vous apprends rien, parce que bon, tous autour de cette table, on est impatients. Le nouvel album de Didier Barbelivien, Amour de moi, arrive. Ah, bah, voilà. Il me l'a donné. Il est bien? J'aime beaucoup Didier, c'est un ami. Eh bah, ça il tombe me bien. L'a donné et il est très bien. Eh bah, nous, voilà. On n'en dit jamais de mal. Non, de j'espère bien parce émission. Que t'en as une. La 4 du CD. Eh ben, c'était l'occasion d'une grosse interview dans le Figaro, on en parlera, où il se présente comme le dernier à s'assumer de droite. Et pourtant, il avait chanté une si belle chanson en hommage à Jean Ferrat. J'aimais ton rire, j'aimais ta voix qui racontait nos différences. Oui, dans ces chez moi. J'aimais tout ce qui était toi. Charlie, on t'embrasse. Quand tu bousculais nos consciences. Prends ça, Charlie. Voilà. Chante un énorme ou Jean Ferrat. Jean de France. Tu chantais pour les gens de France. Ça, on ne pouvait pas accepter c'est cette rime. Très entraînant. Jean de France, tu chantais pour les gens de France. Bah, c'est une rime riche. Ah bah c'est, ça, oui, il n'y a rien riche, à dire là. Là-dessus. Ouais. Donc, on aime bien, évidemment, notre Didier. Ami Didier. Mais il s'engage, lui, et il dit, moi, ça fait longtemps que je dis que je suis de droite et je l'assume encore. Plus personne ouais, le fait. Oui, mais il peut très bien dire aussi dans l'article que j'ai lu, il peut très bien dire qu'il aime Mélenchon, oui, qu'il aime Rocard. Oui, c'est pas la cohérence qui l'étouffe. Mais il dit, Sarkozy est comme un frère pour moi, je le fréquente depuis plus de 30 ans, oui. Et il dit un truc, moi ça m'a surpris Chantal, il dit si les Français le connaissaient dans son intimité, Sarkozy serait réélu à 90% des voix. C'est pourquoi ça. Il nous montre toujours le Sarkozy qu'on n'a pas envie de voir s'il est si sympa bah parce que en fait, l'homme politique est un humain finalement. Mais c'est ça qu'il veut dire. C'est ça, c'est un homme. On devrait le connaître. On devrait le connaître plus avant. Ouais. Mais ce côté engagement, c'est un truc qui vous donne envie, vous regardez ça de loin. Vous... Non, je ne suis pas allé tout la politique. En fait, qu'est-ce que je suis? Je ne sais rien, je ne suis moi-même. Mais non, ça me... je ne fais pas de politique. Mais est-ce que vous votez quand même en tant que citoyenne? Oui, je vote. Ah, donc vous intéressez forcément mon mari un petit peu. M'a obligé à voter. Ah, c'est lui qui vous dit pour qui voter ou pas? Il m'a obligé à prendre une carte, etc. Je suis obligé, il m'emmène le dimanche matin à l'école pour voter. Et donc vous votez au pif? Je vote un peu au pif, oui. Ah. Mais il dit, Barbelivien, que, évidemment, ce n'est pas facile de dire en tant qu'artiste qu'on est de droite. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont pris des râteaux à cause de ça. Ah, ben oui, c'est ce que. Une carrière complètement arrêtée. Oui, mais donc. Je pense qu'il ne faut pas. Un artiste n'a pas à prendre le parti de quelque chose. Vous pensez que. Oui, mais c'est là où c'est. Ah, c'est un débat qui peut être ouvert. Voilà. Et oui, et c'est mais pour ça qu'on, et c'est pour ça qu'on en parle. Terre, amis. Alors, évidemment, Kali, Benabar qui se sont lancés avec Ségolène Royal à l'époque. C'est plus évident pour un artiste d'être de gauche. Bien sûr. Mais est-ce que c'est pas instinctif parce qu'on dit toujours les artistes sont de gauche, mais est-ce que c'est pas parce qu'on est artiste que, évidemment, qu'on est de gauche? La question est difficile pour moi. Ouais. Là, on a haussé un petit peu le niveau. Ça commence à se compliquer. Ce côté d'essayer de réunir des gens, de les faire rire comme vous faites, ou de les conscientiser. De partager. Ce qui est formidable, c'est que vous qui êtes aussi tous humoristes sur scène, c'est extraordinaire de réunir des gens qui n'ont rien à voir, qui ont tous parti complètement différents, l'un à côté de l'autre, et qui rient à ce qu'on raconte. Ah, moi, je trie, c'est uniquement des gens de gauche qui viennent. Ah, ouais, j'ai un contrôle à l'entrée. T'es un humoriste de gauche. Ouais, c'est pour passer des bonnes. Il y a des réductions pour les gens de gauche. Mais oui, Guillaume Meurice, vous n'imaginez pas faire de l'art sans engagement, vous, par exemple? Bah non. Moi, je fais même de l'art un peu pour ça, même à la base. Ah enfin, oui. Je savais pas que je faisais de l'art juste avant que vous me disiez. Mais c'est vrai que je parle pas encore de politique sur scène, Chantal, merci de poser les questions, mais je vais finir par le faire. Mais tu peux parler de politique sans être engagé d'un droit ou à gauche. Exactement, je pense, moi mon idée c'est qu'il faut pas être derrière un homme parce que sinon après on peut être déçu. Parce que si l'homme me croule. Exactement, c'est et c'est ce que dit Enrico Macias. Il dit, ancien faut toujours écouter Enrico Macias. Il dit, ancien mitterrandiste, et après Sarkozy, il dit aujourd'hui je ne m'engagerai plus, j'ai assez de données. Voilà, données. C'est bien plus sage. Isabelle Sorrente, sagesse, parler de sagesse, évidemment. La transition était évidente. Oh là là, terriblement. Ouais, enfin, ça, ouais. Oui, alors vous savez d'ailleurs, Alex, qu'on avait retrouvé toute la collection de disques d'Arrico Macias dans le bunker de Ben Laden. Exactement. C'est une vraie info. Il écoutait Ben Laden écoutait Arrico Macias. Il y a peut-être un lien avec la radicalisation. Je ne sais pas, Guillaume, c'est une enquête à ouvrir. Je l'amènerai. Ce n'est pas votre chronique. Pas du tout, non. Je sens que vous me pressez, non, Alex. Non, on est dans les temps, Charlie n'est pas là. Aujourd'hui, nous allons donc partir en voyage avec deux livres qui, comme d'habitude, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, quoique. Donc le livre qui vient de paraître, c'est « Dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone ». Donc rien que le titre m'a fait kiffer. C'est un recueil de poèmes de Mathias Hénard. Non, il ne faut pas, j'aime Guillaume. J'aime bien Mathias Hénard. Oui, c'est magnifique. Et c'est publié dans la collection Inculte. Et donc Mathias Hénard, vous vous souvenez, c'est lui qui a obtenu le prix Goncourt l'année dernière pour son très beau roman « Boussole ». Et dans « Dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone », il nous amène en voyage. Donc c'est un voyage à la fois géographique et intérieur, avec des chapitres aux noms révélateurs comme « Faire concurrence à la mort » ou encore « Beyrouth »,« Éclat de Pologne » ou « Balkans ». Donc dans les stances de ces poèmes, qui sont comme autant de chambres, de recoins, de rues, on croise un consul de France qui meurt de chagrin après avoir perdu son amoureuse bosniaque. Et oui, on peut mourir d'amour. On lit l'interview imaginaire depuis l'asile psychiatrique du poète espagnol Leopoldo María Panero, qui a passé une grande partie de sa vie enfermé en prison, il a passé une grande partie de sa vie enfermé à l'asile parce qu'il était homosexuel. Déjà que c'est compliqué, si vous accrochez, on ne va jamais y arriver. Donc on peut aussi mourir fou. Et on voit trimer les prostituées de Barcelone sous une lumière qui rappelle celle des pages de Jean Genet. Alors, si ce recueil m'a transporté, c'est qu'il rappelle tout simplement que le voyage est possible. Oui, le mélange des cultures est possible. Oui, les rencontres sont possibles, même en temps de guerre, puisque la guerre, la solitude et la douleur sont omniprésentes dans ces poèmes, sans que cela n'enlève rien à leur force et même à leur humour. Au fond, nous vivons une époque paradoxale, parce qu'on pourrait croire que le voyage est devenu obsolète, que la carte a remplacé le territoire, que la rencontre est désormais affranchie des contraintes d'espace, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les gens se rencontrent sur des réseaux sociaux grâce à des moyens de communication qui nous rapprochent instantanément de personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Et en même temps, c'est tout le sujet des débats actuels sur les algorithmes. Les réseaux sociaux nous condamnent à l'entre-soi. Les algorithmes, vous le savez Alex, nous enferment dans une bulle basée sur nos opinions à nous, nos préférences à nous, c'est ce qu'on appelle la bulle cognitive. On croit qu'on rencontre des gens alors qu'on ne fait que recycler nos opinions et renforcer nos préjugés, acheter en ligne nos opinions et racheter en ligne nos préjugés et ainsi de suite. Donc le hasard de la rencontre, la surprise, l'accident et je dirais l'instinct, le désir, la répulsion, la peur, la passion, tout ce qui fait la qualité physique, on va dire, d'une découverte sont désormais bannis par les algorithmes censés nous relier les uns aux autres. Bon, jusque-là, je pense que c'est clair, mais si on prend l'exemple d'une messagerie crypté, allons un peu plus loin, comme Telegram, qui est utilisé par les membres de Daesh, mais aussi par des hommes politiques français, par des citoyens russes ou iraniens, bref, par des tas de gens qui n'ont pas envie qu'on entende leur conversation. Si on prend l'exemple de Telegram, tout se passe en fait comme si plusieurs citoyens de monde, de plus en plus étrangers et hostiles les uns aux autres et de plus en plus proches pourtant, s'écrivaient des lettres d'amour et de haine, géraient leurs finances, cultivaient leurs ressentiments, tout ça en parallèle, en attendant non pas de se rencontrer, mais que leur monde se cogne comme des météorites. Alors, est-ce que nous sommes condamnés au choc? Est-ce que le voyage et la rencontre sont en voie de disparition? En même temps que dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone, j'ai relu cette semaine le journal d'Etty Hillesum. Etty Hillesum, vous le savez, c'est cette jeune femme juive d'Amsterdam qui, à mesure que les persécutions contre eux... Eh bien, je vous recommande, je pense que vous aimeriez, Alex, ce livre, et Guillaume aussi. Oui, oui, c'est un livre que j'ai offert à plusieurs amis. Donc, c'est le journal de cette jeune femme qui est pourtant dans l'horreur, puisqu'elle va être déportée. Et elle garde une joie de vivre incroyable. Elle s'obstine à rencontrer les autres. Et c'est un livre qui fait plus de bien que tout le rayon développement personnel de la FNAC réuni, parce que la seule chose que nous devons cultiver, en fin de compte, la seule qui nous rend heureux, c'est l'art dangereux de sortir de sa bulle. Merci Isabelle, sortez de votre bulle. J'ai tout compris. Vous avez tout oublié? Ah oui, oui. Tranquille. Ah, voilà. J'ai eu du mal, mais vous êtes faite pour France Inter, Chantal Latsou. Oui. Et si vous aimez Chantal Latsou, la tornade Chantal Latsou est sur scène, peau de vache, au Théâtre Antoine. Et elle est avec nous pour ce dernier sujet qui relie évidemment, parce que le théâtre et le cinéma, ils sont complémentaires. C'est comme Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson. Le théâtre a très souvent écrit des textes pour le cinéma. Et aujourd'hui, la tendance s'inverse. Non, pour le cinéma, rassurez-vous, Buisson ne va pas se présenter avec les discours de Sarkozy. Après les damnés au Festival d'Avignon, d'autres projets vont ramener le 7e art vers le 6e art qu'est le théâtre. Car le théâtre, c'est la genèse. Le théâtre, c'est là qu'on revient. Le théâtre, c'est là que tout a commencé. Non, mais là, ça va pas. Comprenez-moi bien, vous êtes des choux-fleurs. Hein, vous n'êtes pas des betteraves, vous n'êtes pas des brocolis, vous êtes des choux-fleurs. À la fois le chou et à la fois la fleur. Et ça, je dois le sentir, hein, dans vos yeux. On a quand même un message à faire passer, là. Qu'est-ce que t'as, Honorine? T'as envie de faire pipi? Je veux pas être une frite. Voilà, Valérie Bonneton, fais pas ci, fais pas ça. Donc, le cinéma s'invite sur les scènes de théâtre. Chantal, là-dessous, c'est quoi, vous, les films qui vous ont bercé quand vous étiez petite? Les Danais, c'est très bon. Oui, oui. Ah ben, alors, c'est un Belge donc, qui l'a monté au Festival d'Avignon, Ivo Vanhove, et il avait déjà monté Rocco et donc, ses frères. Donc, il a fait du film. Exactement. Et il dit, que je retrouve, le scénario est souvent une matière plus vivante qu'un texte dramatique et le cinéma traite des thèmes que le théâtre aborde peu ou pas. Et donc, est-ce qu'il y a un film comme ça, quand vous le voyez, où vous dites, tiens, en fait, ça me plairait bien. Si, il y a des films, des films. L'Empire contre-attaque. Non, mais les personnages au cinéma qui sont très intéressants. On se dit, on pourrait bien le faire en pièce de théâtre. Bien sûr que oui, c'est une source magnifique. Quand vous voyez des rôles, quand vous voyez des pièces ou des films, est-ce que vous vous dites, tiens, est-ce que ça, j'aurais aimé le faire? Est-ce que ça, j'aurais pu le faire? Est-ce que ça, me l'aurait proposé? Peut-être, oui. C'est vrai, ça me dit de temps en temps. C'est dans votre filmo, il y a des trucs incroyables. C'est-à-dire qu'il y a du Buñuel. Ça, oui. Non, mais c'est de manière... C'est incroyable, non? Mais c'est rigolo. Ah, oui. Et donc, le cinéma d'auteur, s'il vous appelle, parce qu'aujourd'hui, moi, je maintiens que vous êtes à la mode. Aujourd'hui, le cinéma d'auteur vient contrairement chercher... Contrairement à ce que tout le monde dit. Non, c'est pas vrai. Ah bon, mais d'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Celui-là, mais il va en prendre une, parce qu'il aime pas Barbe Olivier. Ça va gueuler ici. Et donc, si le. Non, mais il y a du Alain René. Si aujourd'hui le cinéma d'auteur vient vous chercher, oui, elle y va, Chantal, là-dessous? Bah, bien sûr, j'y vais. C'est vrai? Bah, oui, si on propose un joli rôle. C'est quoi les réalisateurs qui vous. Bah, j'ai tourné avec Lelouch au mois de juillet. Bah, oui, je sais. Je suis en train de tourner avec Florence Quentin. Oui, vous tournez avec Depardieu et Deneuve. Ça oui, c'est formidable. Je fais sa belle-mère. Ah, Depardieu? Oui, c'est marré quand tu me dis c'est là-dessous qu'elle va faire ta belle-mère, il s'est marré, mais c'est pas possible. Il a fait régime pour une semaine, il paraît. Ah non, mais j'ai une fille de 40 ans, donc c'est possible. Oui. Vite vu. Mais donc, alors, est-ce que vous allez souvent au théâtre? Oui, moi, je vais voir les autres. Je vais voir les autres. Et la journée, vous regardez les films? Je vais bien te voir, d'ailleurs. Bah, je vais être la bienvenue. Et la journée, je dors. Oui, je vais faire un tour à Ikea. Oui, retrouvez Chantal là-dessous à Ikea tous les lundis. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est que les pièces qui sont venues là, et on parle notamment de La règle du jeu de Jean Renoir qui va être jouée à la Comédie française aussi, c'est souvent plutôt des films d'auteur que des comédies. Est-ce qu'on imagine un Bienvenue chez les Ch'tis ou un Les Visiteurs adapté ou adaptable sur une scène de théâtre? Je crois que oui. Un Ch'ti, c'est adaptable aussi sur une scène de théâtre. Pour y jouer le rôle. Parce qu'il y a des personnages très forts. Oui, c'est ça. Eh oui. Qui peuvent très bien jouer au théâtre. Ici, on l'aime beaucoup et j'ai tendance à dire que vous êtes un peu la De Funès femme. Oui, c'est un beau compliment. Vous le prenez comme un compliment, oui. Oui. C'est le genre d'acteur que quand vous le regardez travailler, vous essayez de prendre des choses ou... Non, je le reçois comme ça. Je travaille pas avec mon intérieur. Ah, il y a un film où vous faites « ma biche ». Je l'ai complètement piqué à La Funès. Je ne prends rien, ma biche. Mais oui, comment elle travaille les rôles, Chantal, là-dessous? Est-ce qu'elle se met devant le miroir? Est-ce qu'elle, Du tout. Non? Non. Vous prenez le texte? Peut-être que je m'y mette. Non, je prends le texte et puis j'essaye de me le digérer et de devenir ce personnage. Quoi. J'essaye de ne pas jouer, j'essaye d'être le personnage complet, totalement. Vous venez vraiment du théâtre, vous avez fait les conservatoires, vous avez fait le cours Simon. Oui. Et est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez écrit pour le cinéma ou pour le théâtre? J'ai écrit pour le One Man Show, mais j'ai One Man Show que vous conseillez de faire tout seul. Ouais. Ça, vous l'avez dit en début d'émission, c'est la phrase forte qui a été retweetée, ça va faire un buzz, à mon avis. Est-ce que vous voyez qui est derrière vous? Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Ah oui, dis donc. Regardez, il est beau, il a une guitare. Bonjour, oui, Frédéric. Bien sûr, c'est lui. Il a beaucoup de talent. Ah ben, on va voir, on va vérifier. Bonjour, Frédéric Fromet, on est content de vous recevoir. Ben, merci. Comme tous les. Ah, oula, il y a eu quelque chose. Je ne veux rien savoir. On se connaît. Oui, et on n'en dira pas plus. Alors, c'est un peu notre Barbe Olivien à nous. Je crois qu'on peut le dire sans sourciller. On peut. C'est son idole, c'est de là que tout vient. Voilà. De quoi vous nous chantez, Frédéric? Je vais vous parler de problèmes de vue. Ah, c'est bien. En effet, c'est le 267e jour de l'année et aux États-Unis, la police a abattu seulement quelques 130 noirs. Alourdi par les Big Mac, au coca tout imbibé, il arrive par miracle qu'un cow-boy sache viser. Dans la rue, lors d'un contrôle, le coup de feu est parti sur un noir. Ce qui est drôle, c'est que le tireur sera blanchi. Lui, circuler, un poulet, a tué un noir. Car c'était un noir qui était donc un bandit. Circulez, un poulet a tué un noir. Car c'était un noir qui n'avait pas de fusil. Les noirs crièrent à l'injustice, les noirs crièrent à l'assassin. Comme si c'était justice, quand la nuit on les voyait pas bien. C'est ta cervelle qui saute, s'il fait noir et tu souris pas. Et s'il fait jour, comme dirait l'autre, où sont tes ancêtres gaulois? Circuler, un poulet a tué un noir. Car c'était un noir, oui, pour être coupable ça suffit. Circuler, un poulet a tué un noir. Car c'était un noir qui n'avait pas rougi. Non, ce n'est pas une farce inventée pour la chanson. Quand t'auras quitté ta place, Obama, fais attention. Ne dis pas que tu découvres qu'un noir doit vivre en Afrique. De fait, chez nous, on vous trouve dans la rubrique négrologique. Circuler, un poulet a tué un noir. Qu'il fût noir, qu'il fût gris, c'est donc qu'il s'était sali. Circuler, un poulet a tué un noir. Car c'était un noir qui cherchait donc les ennuis. Noir, c'est ainsi, même quand Alpha blondit. Merci. Du jeu de mots vous attend à la sortie de ce studio, évidemment. On était avec Chantal Latsou, c'était un bonheur de passer l'après-midi avec vous. Ce soir, le tempérament Chantal Latsou est sur scène, oui. Peau de vache, jusque quand au Théâtre Antoine? Jusqu'au 3 janvier. Jusqu'au 3 janvier, mis en scène par Michel Faux, avec plein de bons comédiens, plein de super second rôles. Chantal Latsou, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 20 prochaines années? Du théâtre. Du théâtre. Du cinéma. Du one-man show. Du one-man show. Vous allez y revenir. Des petits-enfants. Oui. Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Que vous êtes grand-mère. Mais oui, je suis très fière d'être grand-mère. Mais oui. Parce que je suis une jeune grand-mère. Et ça, c'est un nouveau rôle. À 42 rôle. Ans, c'est merveilleux, non? C'est horrible, on rigole. C'est un nouveau rôle. Donc, on vous souhaite encore de ne jamais arrêter. Pas de retraite. Ouais, pas de point retraite. Peau de vache, ce rôle taillé pour vous. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. D'avoir suppléé à Charline, qui revient lundi. Oui. Merci Isabelle Sorrente. Thomas VDB, toujours au Paname, en train de rôder. Allez Absolument. Le voir, évidemment. Lundi, c'est Thomas Guénel. Elle est un politologue, là. Attention, là, ça va pas déconner, c'est pour ça que moi, je vais pas venir, je crois. Et merci, merci à tous. Merci Alex Vizorek. Merci Chantal Latsou. Le mot de la fin, parce qu'en fait, la vie, bah, c'est toujours un peu du cinéma. Je te dis que le cinéma, c'est un métier de pute. L'Afrique en solo. C'est tous les samedis à 22h sur France Inter. C'est votre ticket pour l'Afrique. Soro Solo. Hey! Culture, société, politique, légende, mythe et tous les qu'est-ce qu'il y a. Tout ça se raconte en musique sur France Inter. Tu as loupé l'Afrique en solo samedi à 22h? Pas ni problème. Tu podcastes seulement sur franceinter.fr. Dimanche 25 septembre, Radio France fête le sport. Venez en famille découvrir de nombreuses animations sportives à la Maison de la Radio à Paris. Badminton, escrime, boxe, escalade et de nombreuses autres surprises. Et pour les plus courageux, participez à une expérience inédite et solidaire, la course Vertigo jusqu'au 22e et dernier étage de la Tour Centrale avec à l'arrivée une vue panoramique exceptionnelle sur Paris. Vertigo. Dimanche 25 septembre, courez, boxez, grimpez et jouez à la Maison de la Radio. Renseignements et inscriptions, radiofrance.fr. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. Vendredi 30 septembre, 20h, auditorium de la Maison de la Radio. Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique vont vous surprendre. La version originale du ballet Petrouchka de Stravinsky. Le tourbillon fantastique et fatal de la valse de Ravel. Et l'étonnant concerto pour trompette de Brett Dean par le fabuleux Akan Hardenberger. Le 30 septembre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France mélange les genres avec succès. Réservation maisondelaradio.fr. Et ben, j'étais tellement bon élève que j'ai 30 secondes d'avance et je suis encore meilleur élève parce que je vais faire la promo de France Inter. Chantal Latsou qui était là aujourd'hui. Et ben, demain, elle est chez Laurence Garcia avec Yann Kefelec à 23h15. Et puis ce soir, Didier Varro, il a un petit plateau sympa. Il n'y a pas Barbe Olivien, mais il y a Philippe Catherine, Jean-Michel Jarre et François Morel qui passent à la chanson. Je crois que Guillaume Meurice discrètement aussi prépare un album. Bon, c'est une exclue. Vous entendez les bips. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Claire Servageant, je suis à l'heure. Et effectivement, merci beaucoup Alex, bon week-end et à lundi, bonsoir à tous. Dans 7 mois, jour pour jour, le premier tour de la présidentielle, avec une certitude pour les sondeurs à ce stade, la présence de Marine Le Pen au second tour. Alors pourquoi une telle poussée du FN qui se présente désormais comme le parti du peuple? On en parle ce soir dans Une semaine en France avec l'ancien médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, qui avait eu cette formule il y a quelques années. À propos de la France, il avait parlé d'un pays psychologiquement usé, au bord de l'épuisement. À 19h20, au téléphone sonne cette question. Le Front National version Marine Le Pen a-t-il vraiment changé? Vos questions ou vos remarques dès maintenant sur franceinter.fr ou par téléphone 01 45 24 7000. Mais d'abord, le journal de Florence Paracuellos. Bonsoir Florence. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À la une.